Eh bien, AOL Canada, à qui appartient notamment le Huffington Post, lance une nouvelle plateforme de partage vidéo et on va en discuter à l'instant avec Patrick Dion. Je vous rappelle qu'il est auteur, chroniqueur et rédacteur de l'émission Cliquez à TV5. Bonjour Patrick. Bon pelletage. Bon, oui, oui, surtout ce matin, on se lève encore avec un peu de neige. Patrick, c'est une plateforme quoi pour compétitionner YouTube et les Vimeo de ce monde? Ben justement, 8 ans après la mise en ligne quasiment jour pour jour de YouTube, ben, je veux dire, mieux vaut en retard qu'en corbillard, America Online lançait hier, en fait, AOL.on, la version canadienne de son portail vidéo. On est supposé retrouver 500 000 vidéos réparties sur 17 chaînes comme actualité, divertissement, technologie. Il y a même une chaîne Minou. En fait, les fameuses chaînes. Pour des vidéos de chats? Ben, ouais, ben, animaux domestiques, mettons. Mais il y a une section pour les animaux. Oh, est-ce qu'on est surpris? Non, pas du tout. Le site est créé en HTML5, ce qui permet quand même de visionner les clips sur les tablettes. C'est un gros plus. On nous dit qu'il est supposé avoir du contenu exclusif canadien. J'en ai pas encore vu. On verra. Mais il faut donner le crédit quand même à AOL qui a vraiment couché d'un super beau site. C'est épuré, c'est beau à l'œil, c'est facile à naviguer, merveilleux. Mais, de ce que j'ai pu voir, les vidéos qu'on retrouve sont déjà disponibles ailleurs. J'en ai vu sur YouTube, j'en ai vu sur Vimeo. On dit qu'il y a des exclusivités, entre autres, où tu l'as dit tantôt, des exclusivités du Huffington Post, qui appartient à America Online. Mais qui a vraiment envie de savoir pourquoi, par exemple, Michelle Williams s'est séparée de Jason Segel ou encore comment se faire expliquer comment il plie les sourcils? Je sais pas. Peut-être pas toi, Patrick. Pas moi, j'aime beaucoup mes sourcils. Mais ça fonctionne Merci. Beaucoup sur le Huffington Post. C'est tout incroyable, ce qui est showbiz, ça fonctionne patinage. Aussi sur YouTube. Ça me dépasse. Je sais pas pourquoi tu perdrais ton temps là-dessus, mais ce n'est que mon opinion. Voilà. Il y a une section qui mérite qu'on s'y arrête un peu plus. C'est AOL Originals. Mais pour l'instant, on retrouve seulement 2 émissions avec 3 vidéos exclusives, dont entre autres le documentaire Makers sur les femmes qui ont fait l'Amérique, que je conseille, qui est vraiment excellent. J'ai regardé la première partie hier. Mais ironiquement, ce documentaire-là, il est aussi disponible sur le site de PBS. Par contre, si on le regarde sur AOL, on a droit aux publicités et jusqu'au lancement, c'est American Express qui tourne en boucle. Voilà, ils ont eu le contrat exclusif de la publicité sur le site. Ben, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on est en veille de publicité avant les vidéos, en marge? En fait, il n'y en a pas nulle part ailleurs que dans ce qu'on appelle des pre-rolls, c'est-à-dire qu'on roule les publicités au début du documentaire ou de la vidéo. Par contre, de toujours entendre le même truc d'American Express, ça devient un petit peu gossant. Ça va changer avec le temps, j'imagine. Ben, peut-être. Mais bon, je ne sais pas si les gens vont se ruer en masse sur le nouveau portail de vidéo d'AOL. Je trouve ça un petit peu too little too late, comme on dit si bien dans la langue de Shakespeare. Nouvelle bibliothèque dans les souterrains de New York. Et ça, c'est le fun, là. Tu sais, on apprenait dernièrement que la STM prévoit que tout le réseau cellulaire sera branché dans son métro, mais seulement en 2016. On dit même vers la fin de 2016. En attendant, c'est plate. Il n'y a rien à faire. Tu peux écouter ta musique, lire ton livre papier ou le numérique si tu l'as amené avec toi, fouiller dans ton nez si ça te tente ou creuser la fille dans le fond du wagon. Mais à part de ça, pas grand-chose à faire. Peut-être ça crée des coups de coude à celui qui donne un coup avec son sac à dos. Mais le métro de New York, il a une super bonne idée. Il a remédié à la situation en offrant aux usagers du transport en commun, du métro, de la ville, une bibliothèque virtuelle souterraine qui permet de télécharger une portion d'un livre qui est offert sur une affiche sur le mur du métro. Donc, grâce à la technologie NFC, qui est pour Near Field Communication, c'est une technologie qui est malheureusement pas disponible dans les iPhones. Allô. Mais on approche son téléphone de l'enseigne et on peut télécharger le livre de son choix. On télécharge une portion, une dizaine de pages du livre et ce qui nous permet quand même de lire un bon bout du livre durant notre déplacement, à moins que, par exemple, on fasse Côte-Vertu Montmorency. Pourquoi? Je sais pas trop non plus. Mais quand on sort à l'extérieur du métro et grâce à la géolocalisation, on reçoit une alerte qui nous dit « Ben voilà, il y a telle bibliothèque proche de vous. Si vous êtes intéressé à emprunter le livre, voilà, il est disponible à tel endroit. » Je trouve cette initiative-là tout à fait géniale. Puis si vous aimez pas lire, ben il reste toujours votre livre. Initiative similaire aussi à Bucarest dans les stations de métro, une initiative entre Vodafone, la compagnie de téléphone, et une maison d'édition, et on a recréé des posters là un peu partout sur... Enfin, on a créé une bibliothèque carrément avec des posters sur les quais de différentes stations de métro, et là vous regardez les titres, et s'il y en a un qui vous plaît, vous scannez le QR code, là, le code QR, okay. Et vous pouvez lire les 10 premières pages du livre. Si vous aimez, vous pouvez acheter le livre au complet. C'est une super par initiative la suite pour faire vendre des livres, justement. Ça. Mm-hmm. Ouais, super initiative à Bucarest. Vraiment, bravo. Et on termine avec Tube Time, une initiative montréalaise. Ben oui, Tube Time, comme l'heure du tube, ou plus précisément, l'horaire de vos émissions favorites. J'ai jamais compris pourquoi une entreprise comme TV Hebdo n'avait pas créé son application mobile. C'est aberrant. Il n'y a aucune raison pourquoi une compagnie comme ça, à part peut-être la crainte de cannibaliser son propre marché, mais encore, c'est sûr que s'il ne le faisait pas, il y aurait quelqu'un qui l'aurait fait à sa place. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec TubeTime, qui a créé cette application-là, qui est un guide télé interactif pour iPhone, en fait. On peut le paramétrer selon sa région, son fournisseur, partager ses coups de cœur sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être pas de quoi te fouetter Nicolo Miliotto, peut-être, tu me diras. Mais TubeTime a eu l'ingénieuse idée d'intégrer une télécommande universelle à son application, la télécommande qui se branche directement dans la prise audio de son iPhone et son iPad. Malheureusement, il n'y a pas de version Android. C'est prévu pour bientôt, mais voilà. Donc, je l'ai sous la main. Oui, c'est donc dans les mains. Donc, on branche ça dans la prise à écouteurs, finalement. Exactement. Et notre téléphone intelligent devient une télécommande ou de la tablette. Universelle. Ou de la tablette, et ça devient une commande universelle. Absolument, pour tous les appareils de ta maison. C'est une est-ce qu'il n'y a pas déjà des applications qui permettent de transformer sans avoir à ajouter un petit gadget sur... Non, parce que ça prend... Tu vois, il y a un émetteur infrarouge, okay, là-dessus. D'accord. Ça prend absolument un émetteur infrarouge pour pouvoir communiquer avec les appareils. Et on se procure où, ce petit émetteur? On se le procure directement sur le site de TubeTime pour la modique somme de 10 $. Mais, vas-y, mon coquin. Patrick est tellement généreux qu'on en a un à faire tirer. Oui. À l'instant, un petit... Donc, c'est le moment de prendre son téléphone. Donc, un petit embout là, pour votre téléphone intelligent. Et l'application est gratuite, hein, alors, pour celui... Oui, voilà. Donc, TubeTime, vous pouvez nous appeler 514-526-1767, 514-526-1767. Alors, je vous souhaite bonne chance et merci beaucoup, Patrick, pour ta générosité. Hey, ça me fait plaisir.